Les délégués au 7e congrès du Parti du Travail de Corée ont assisté le 4 mai à l'opéra révolutionnaire « Je vois déjà la victoire de la révolution » au Grand Théâtre de Pyongyang. L'opéra montre de façon artistique le noble esprit d'une combattante anti-japonaise qui a lutté sans aucune vacillation jusqu'à la fin de sa vie avec la conviction révolutionnaire selon laquelle la révolution coréenne triomphera à coup sûr sous la direction de Kim Il-sung. Ce jour-là, ils ont également assisté au concert de l'Orchestre symphonique d'État, chant dédié au parti, au théâtre de Moranbong.